On va parler du Super Bowl. On sait qu'on connaît maintenant le Final Four qui sera présenté la semaine prochaine. Le Super Bowl aura lieu le 3 février à Atlanta. Et comme à toutes les années, depuis 27 ans, il y a un comité qui se met en place actuellement pour organiser la soirée Super Bowl au profit du football amateur dans l'est du lac Saint-Jean. On en parle avec un des responsables, François Aymon. Salut François. Bonjour. François, 27 ans, ça fait très vite. Ça va vite parce que moi, j'avais assisté à la troisième édition entre les Cowboys de Dallas et les Bills de Buffalo. Ça fait une éternité, là. Oui, ça fait très, très longtemps. Moi, j'ai l'organisation depuis à peu près 20 ans. OK. Ça fait que moi, je suis greffé à l'organisation 6 ans après le début, là. Puis, c'est sûr que l'organisation, quand ça a parti, ça, avec Steve Tremblay et Hervé Harvey, c'était l'organisation, c'était vraiment des amis qui avaient décidé de faire une genre de soirée pour le football. Puis, à un moment donné, la deuxième année, on décide de faire ça pour le football scolaire, dans le fond, pour amener des équipements, puis... Parce qu'il y a toujours des renouvellements à faire par rapport puis aux équipements pour le football. Puis souvent, les commissions scolaires, ils n'ont pas beaucoup d'argent pour ça. Non. Fait que toute notre mission qu'on s'est donnée pour ça. Là. OK. Puis il faut dire aussi que dans le temps, les années 90, c'était pas aussi populaire que ça. Là. C'est rendu gros, c'est rendu immense, le Super Bowl. Là. C'est rendu... Écoute, mais des années 80 que ça avait commencé, c'était gros, mais pas comme ça aussi. Là. Non, ça, l'événement au niveau planétaire a pris beaucoup, beaucoup d'ampleur. C'est sûr que... Cet événement-là s'est rendu en importance le plus gros, là, si on regarde au niveau d'une journée, un événement, là, c'est gigantesque. Là, comment ça va fonctionner? J'imagine que, écoute, c'est comme les autres années, j'imagine, là, on s'en va là. D'autres, c'est sûr que, ce qu'on a, d'autres, actuellement, l'événement, d'autres, a lieu cette année à la cage au sport de Dalma. OK. Fait que les gens, on les invite à réserver le billet parce que les billets s'envolent très vite. Les gens, pour 40$, ils ont un souper d'inclus, ils ont un gilet souvenir du Super Bowl. Après ça, il se trouve avoir une consommation incluse aussi. Fait que, tu sais, ils ont vraiment un beau forfait. Puis tous les profits amassés vont servir au football scolaire dans le secteur d'Alma, là, les environs, les commissions scolaires à Lac-Saint-Jean. Il n'y a pas. Parce que dans le quotidien, moi, que j'ai mal lu, mais il me semble que c'était 26 000 qui était marqué le quotidien. Mais c'est, j'ai pas trouvé ça gros. C'est plus que beaucoup. Normalement, que nous autres, on calcule, ça fait 26 ans. Cette année, c'est la 27e édition. Fait que si on exclut cette édition-là, dans le fond, les 26 éditions qui ont lieu avant, dans le fond, on a ramassé 260 000 $ là. Okay. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que les premières éditions, dans le fond, c'était 1 000 $ 2 000 $ qu'ils ont ramassé. Ouais. Mais si on a eu des éditions comme la 20e édition, on a ramassé, je pense, aux alentours de 25 000 cette édition-là seulement. Okay. On a eu des grosses, grosses éditions. Là. Depuis à peu près, je te dirais, 10 ans, c'est toujours en moyenne entre 12 et 15 000 qu'on remet au football scolaire année après année. Parce que votre clientèle est faite hein, aussi. J'imagine que c'est pas mal... L'événement... Il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de familles, beaucoup de jeunes... On voit beaucoup ça au niveau des familles. Il y a le monde des affaires qui nous encourage énormément. On a beaucoup de partenaires importants. La Caisse populaire est un partenaire très important. Autocar Janois, depuis le début, il est là. Puis Autocar Janois, c'est un partenaire pour nous autres qui est aussi extrêmement important. C'est le principal partenaire de l'événement avec Desjardins et tout ça. Puis on a beaucoup, beaucoup du monde des affaires à Alma. Il y a beaucoup, beaucoup un beau support, je dirais, de l'environnement au complet. Là. OK. Donc, c'est vraiment intéressant. Dis-moi... Dis-moi, du coup, il va y avoir un honneur posthume. Vous avez fait un grand bénévole qui est décédé il y a à peu près 3 ans à Alma. Ça fait exactement 5 ans. Luc Tanis, ça fait 5 ans qu'il est parti déjà. Okay. Ça va vite. Parce que je me rappelle, moi, à l'époque, j'étais à New York pour le football, pour le Super Bowl qui a opposé les Seahawks pour cause. J'étais là-bas, moi, pour ce Super Bowl-là, puis j'avais appris son décès le vendredi soir, là. Que ça s'avait passé. Fait que c'est un événement qui a été tragique au niveau de l'organisation de ça parce que c'est un ami très proche à l'époque, Patrice Plou, c'était lui le président du comité. Okay. Puis Patrice était son meilleur ami, Luc. Mais Luc a été impliqué énormément en tant que joueur, au niveau du football, mais aussi en tant que coach, il s'est occupé beaucoup des écoles aussi, animateur, autant au niveau au Lac-Saint-Jean, même jusqu'à l'université à Chicoutimi. Fait que c'est un gars qui avait une implication qui était vraiment totale au niveau du football. Là. Fait que on trouvait que c'était un beau moment pour remercier, dans le fond, ses proches actuellement qui vont être présents. Puis on invite tous les gens aussi qui ont joué au football avec Luc, puis ont connu Luc, à venir justement, dans le fond, se souvenir de lui. Puis c'est ça, ça va être un bel événement pour ça, là. Il y a un invité d'honneur également que je connaissais pas du tout, puis pourtant c'est plus dans mon secteur que je couvre plus. Je n'avais jamais entendu parler, c'est pour te dire. Hein? Oui. Ben, il y a beaucoup de joueurs du haut du lac qui évoluent au niveau collégial, puis qui vont venir jouer pour les écoles comme le Collège Allemand, après ça, Jonquière et Chicoutimi. Là. Ouais. Fait qu'il y a beaucoup de jeunes joueurs là, qui proviennent du haut du lac, qui sont d'excellents joueurs, mais on en connaît, qui sont déjà dans la Ligue canadienne, tout ça. Mais Joël Gagnon, lui, c'est un joueur, dans le fond, qui évolue actuellement pour le Vert et Or. Mm. Puis nous autres, c'est une fierté parce qu'il est passé par le PWD, je pense, qu'il a fait un an au PWD, puis après ça, pour le Cégep d'Alma, il a joué, je pense, 2 ou 3 ans au Cégep d'Alma. Okay. Puis là, aujourd'hui, il est à l'Université Sherbrooke pour le Vert et Or. Fait que c'est un beau talent. Là. C'est un joueur, dans le fond, je pense que c'est la première ou deuxième année cette année qu'il joue. Puis il a un beau succès déjà. Fait que on est vraiment fiers de ça. Là. OK. Dis-moi, est-ce que c'est quelque chose qui c'est un joueur qui peut aller loin? C'est un joueur qui est canadien? Actuellement, c'est un peu tôt dans le sens que c'est un joueur, je pense que c'est freshman, je pense qu'il est première année cette année de l'université. Okay. Mais déjà, il joue beaucoup sur les unités spéciales, il a remplacé aussi déjà. Fait que il a connu une bonne première saison là, pour un joueur qui commence. Là. Puis je pense qu'il y a beaucoup d'espoir par rapport à qu'est-ce qu'il va faire plus tard, c'est embêtant, là, parce qu'il y a peu de joueurs qui réussissent à se rendre dans les rangs professionnels, mais c'est déjà quand la personne s'est rendue là, qu'il va sortir avec un beau bac, puis il va sortir avec, dans le fond, une belle carrière, c'est nous autres, en tout cas, pour nous autres, là, le football scolaire d'Alma, tout ça, puis je pense l'ensemble des écoles qui travaillent, le but, c'est ça, de développer des jeunes qui vont avoir des belles carrières au niveau professionnel, ils vont devenir des bons actifs de la société, puis qu'en même temps, s'ils réussissent au niveau sportif à s'accomplir aussi, c'est parfait, mais c'est des beaux modèles pour les jeunes. OK. Bon, le prix d'entrée, c'est 40 $. J'imagine qu'on réserve ça à Cage au Sport puis au comité organisateur, quoi? Oui, appelez directement parce que c'est vraiment important parce qu'ils réservent les tables. Ils vont réserver vos places au 418-480-2243. Ça, c'est directement à Cage au Sport d'Alma. Tout de suite, les autres, ils vont réserver les billets puis ils vont réserver les places. Okay. Puis ça, ben, tous les gens qui achètent un billet, ben, même si, mettons, pour une raison ou pour une autre, ils peuvent pas être là à l'événement, ben, ils ont quand même la chance de gagner. Il y a 4 000 $ en prix, dont une TV 43 pouces Samsung 4K intelligente, là, qui est la société de Mobile Judémon, qui est offerte aussi. Tous les gens qui achètent un billet ont la chance de gagner ce téléviseur-là. Okay. Fait que, tu sais, c'est encore une belle chance, un beau cadeau, là, que tu peux gagner. Okay. Ben, François, qui tu penses, en tant qu'expert de football, qui va se rendre? Moi, je pense que c'est les Chiefs contre les Saints. Malheureusement, ça me fait mal au cœur de dire ça, là. Parce que tu sais, moi, mon affinité envers les Pats. Mais je pense que toi, tu vas les Pats, ils ont tellement une belle équipe. Je veux dire, moi, je regarde les Pats, il y a des gens qui les aiment pas du tout. Alors, mais moi, on peut pas faire autrement qu'être en admiration devant moi. Bill Belichick, qui est un coach que je trouve extraordinaire avec Tom Brady, ça va être reconnu probablement comme le meilleur duo entraîneur carrière de l'histoire des NFL. Puis Brady, à son âge, a réussi à ce qu'il fait là. C'est incroyable. Ouais. C'est extraordinaire. Puis là, je veux dire, le match contre les Chiefs, ça va être un excellent match. D'après moi, les Chiefs sont mieux de se préparer mieux qu'ils sont préparés comme le dernier match. Ils ont battu l'autre équipe, mais les Colts, c'est vraiment pas les Patriots. Non. Ils ont été très décevants, les Colts. La ligne offensive venait pas. Hein. Le football, des fois, les gens pensent que l'autre, il y a un joueur là qui a pas été bon, mais il avait pas le temps de lancer le ballon, il avait pas le temps de faire ses lectures, fait que la ligne offensive n'était pas capable de soutenir la pression que les Chiefs mettaient. Là, j'ai hâte de voir, d'habitude, Belichick est capable de faire une bonne pochette pour Tom Brady. Enfin, c'est sûr que Tom Brady, si tu donnes pas de temps, s'il a le même nombre de temps qu'Andrew Luck avait, il fera pas mieux qu'Andrew Luck. Hein. Ouais. Ça prend du temps pour pouvoir développer des jeux puis faire des passes qui sont intéressantes. Moi, j'ai un peu le même choix que toi. Malheureusement, je dois y aller avec les Chiefs. Toutes les interrogations que j'avais envers les Chiefs, ils ont été presque toutes répondues, sauf Andy Reid. Moi, Andy Reid, il était extraordinaire. Parce que Mahomes, quand tu le vois, la façon qu'il joue, là, sa première année, là, c'est extraordinaire aussi. Là. Ouais, c'est un joueur, en tout cas, j'ai hâte de voir si les blessures ne viennent pas trop nuire à sa carrière. Ça pourrait être un joueur qui va devenir peut-être la meilleure carrière. En tout cas, pour un début, là, 50 passes à toucher cette année, c'est extraordinaire. C'est quelque chose qu'on n'a pas vu. Puis, tu sais, la façon qu'il joue sur le terrain, là, il est tellement complet comme carrière. Là, des fois, les gens disent, on a écouté M. Vercheval parler, il disait, il lance pas le ballon de la bonne façon, il lance de côté, il lance de toutes les façons, mais c'est tellement un athlète prolifique dans le sens qu'il était bon au baseball, bon au basketball, puis là, au football, là, écoute, c'est un athlète, on va dire, extrêmement complet. Ouais, j'ai hâte de voir contre des Le match les Rams contre les Saints, d'après moi, ça va être tout un. On a deux excellents comptes. Ah, c'est les quatre meilleures équipes. C'est les quatre meilleures équipes de la NFL, il n'y a pas de doute là-dessus. François, gros merci. Bonne chance pour. Merci beaucoup de donner ce temps-là précieux pour parler à tes auditeurs. Puis qu'on a merci le support de toute la population aussi, parce que c'est grâce à eux que l'événement dure et perdure, puis qu'on ramasse l'argent pour les jeunes. Merci beaucoup à tous. François Aymon, qui est un des responsables du comité Super Bowl.